Comment tu fais pour trouver la tonalité à l'oreille, toi? Tu trouves à l'oreille, c'est ça? J'ai pas compris comment tu trouves la tonalité à l'oreille. La tonalité d'un morceau, tu le sais quand même, tu sais faire ça, non? C'est la note. Là, moi, j'ai un truc qui tourne tout seul. Ouais, à l'oreille déjà. C'est la note fondamentale du morceau. Là, à l'occurrence, c'est un do. Do et. Cultiver la terre pourrie. pour sa crème. Et je dois prévoir et quand on va très attendre comme une exceptionnelle. Mon corps fait oula oula, très passionnel, je connais. Sur ton cœur, je fais trop poulette. Je fais tache de sang sur le mur. Tes éléments connaissent. Ni toi, ni ces fils de hut. Je me tire d'ici si je m'écoute. Sans corps se mélanger, bougnou la lune. J'aime plus, je la laisse. Je m'endors sous doré, sous gueule. Tu n'es de chez moi, de chez vous. Sous ton cœur, je vais tout épouler. Je vais t'acheter sans son que je t'ai sur le monde. voilà, c'est fini.